Chapitre 14e. Sonner les cloches qu'on prépare les funérailles. Holroyd était mourant. Il n'y avait plus le moindre rayon d'espérance. Le grand chirurgien, qui l'évenait continuellement sur la route de Londres à Roxborough, comme s'il eût été quelque oiseau de passage de mauvais augure, et le médecin ordinaire de Sir Gaspard s'accordaient sur ce point. Le même jour où l'enquête préliminaire fut commencée par le magistrat, le chirurgien de Londres annonça à Sir Gaspard que son malade s'affaiblissait et était perdu, et que si Arthur Holroyd avait quelques affaires mondaines à arranger, il fallait qu'il le fît au plus vite. « A-t-il toujours sa connaissance ?» demanda Sir Gaspard, qui n'avait eu qu'une seule fois la permission de voir son hôte depuis cette lutte silencieuse entre la vie et la mort. « Oui, il a toute sa connaissance. Votre ministre, qui paraît un très digne homme, quoiqu'il manque peut-être d'un peu de tact, est resté avec lui plusieurs fois. Mais je crains que M. Holroyd ne soit pas religieux. Cependant, il a reçu le ministre avec une parfaite politesse, et n'a pas paru avoir de l'éloignement pour sa présence. Je lui ai demandé s'il désirait qu'on envoyât chercher son homme de loi, mais il a dit que non. Qu'il y a quantité d'hommes de loi qui désirera le voir, mais que lui n'avait besoin d'en voir aucun. Il me demanda alors si je me souvenais de Frédéric Lemaître ou de Wallach, dans Don César de Bazan, et me rappela le discours dans lequel le comte condamné prédit les lamentations de ses créanciers. Un singulier homme que cet Holroyd. Un persifleur, dit le baronnet. Je présume qu'il a mené une vie très agréable, et maintenant il meurt seul, dans ma bibliothèque avec tous ces effrayants livres païens qui l'entourent, et les bustes paillés en marbre qui montent la garde près de lui. Et l'exception de Devrel Slingsby, qui est venu à cheval deux ou trois fois demander de ses nouvelles, personne ne semble s'inquiéter beaucoup qu'il vive ou qu'il meure. Sir Gaspard médita sur ce sujet beaucoup plus qu'il n'avait l'habitude de considérer aucune chose depuis les dernières années de son existence. L'ombre de la mort dans cette maison lui rappelait très péniblement les cruelles ténèbres qui étaient descendues sur sa vie lorsque sa fille favorite avait été ramenée de sa fatale chute de cheval. Ce triste temps revenait si vivement dans son souvenir qu'en aucune manière il n'en regrettait l'absence de la veuve, qui continuait à rester dans sa chambre et qui était toujours souffrante, disait-elle à Madame Browning, de cette prostration nerveuse qui avait été produite par le choc que son imagination trop sensitive avait reçu. C'était ce qu'elle disait ou laissait supposer par ses discours à la femme de charge à l'esprit simple. La charmante veuve est un article de luxe, pensa Sir Gaspard. Il y a des moments où un homme de goût préfère un sac et des cendres aux feuilles de rose d'un sybarite ou au voluptueux repos d'un mangeur de lotus. Quelle étrange chose que la vie, et la mort aussi. Combien sont extraordinaires les deux grandes énigmes de la vie que le sphinx universel propose aux universels Oedipe et auxquels Oedipe n'a jamais pu répondre à sa propre satisfaction. Cet homme qui se meurt a quelque chose de ma philosophie et cependant, maintenant qu'il est mourant, j'ai pitié de lui beaucoup plus que je n'aurais pitié du curé de Marcia, qui bégayait qu'il était sur son lit de mort. Je me demande si Diderot et Voltaire se seraient regrettés mutuellement. L'obscurité commençait par cet après-midi d'automne, lorsque Sir Gaspard fut prié de se rendre près du lit de son hôte mourant, à la demande d'Arthur Holroyd lui-même. Le blessé était très faible, mais il avait conservé l'usage de ses sens et était tout à fait calme. Il pria qu'on le laissât seul avec son hôte. Les docteurs m'ont laissé voir depuis quelques jours qu'il y avait très peu d'espoir pour moi, dit-il, comme Sir Gaspard s'asseyait près de son lit. Mais je n'ai pas une foi très profonde dans la perspicacité de la profession médicale, et j'ai attendu pour voir s'ils m'avaient dit la vérité. Je sais maintenant qu'ils avaient raison. J'ai très peu de temps à vivre, Sir Gaspard. D'abord, laissez-moi m'acquitter de mes devoirs de gentleman. Je vous remercie aussi chaudement qu'un mourant peut remercier quelqu'un de l'hospitalité que vous m'avez donnée. J'aurais pu mourir dans une prison pour dettes comme Orland, ou dans un hôpital comme tant d'hommes qui valent mieux que Orland, ou comme un chien dans un fossé. Il est beaucoup plus doux de mourir à l'abbaye de Scarsdale. J'avais espéré que vous pourriez vivre à l'abbaye de Scarsdale, dit le baronnet avec bonté, jusqu'au jour où j'aurais pu vous voir monter à cheval et quitter la maison si gaiement que la soirée fatale où vous êtes arrêté à la courbe de l'avenue en agitant votre main en signe d'adieu. Oui, j'étais un gaillard au cœur assez léger, quand j'ai agi ainsi. Mais lorsque je quitterai Scarsdale prochainement, je m'en irai les pieds les premiers. Le jeu de la vie a été assez agréable pour moi, Sir Gaspard, et peut-être ai-je quelque raison d'être reconnaissant au vagabond inconnu qui m'a arraché les cartes de la main, et ainsi terminé mon jeu. Je suis assez vieux pour me souvenir de Napoléon à Sainte-Hélène, et j'ai rencontré jadis Brummel à Caen. C'est la manière dont nos brillants contemporains terminent leur existence. Mais je n'ai pas assez de souffle pour l'employer à philosopher. Je vous ai fait demander, Sir Gaspard, parce que j'ai besoin que vous m'aidiez à faire la seule réparation qu'il me soit possible de faire pour l'une des fautes de ma vie. Vous avez toujours été riche, Sir Gaspard, et j'ose dire que votre prospérité a toujours été honorable. Si je n'étais pas trop reconnaissant pour être acerbe, je serais disposé à vous dire que c'est facile à un homme d'être honorable. Si j'ai été prédicateur, je prêcherai l'antithèse du précepte ordinaire. C'est pour un homme pauvre qu'il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Dites-moi comment je puis vous servir, monsieur Holroyd, et je vous aiderai de mon cerveau et de ma bourse en tout ce dont vous aurez besoin, dit Sir Gaspard. Si vous me connaissiez mieux, vous ne m'offririez pas votre bourse, répondit le malade. Mais je serai généreux une fois dans ma vie. Il y a 8 jours, j'aurais été très content de vous emprunter de l'argent, mais aujourd'hui, tout l'or de la Californie entourera-t-il mon lit, que mes doigts faibles ne pourraient ramasser un seul nugget de ce précieux métal. Sir Gaspard, j'ai fait plusieurs mauvaises actions dans ma vie. Non des crimes qui soient prévus par les lois du Parlement ou par le code criminel, mais j'ai fait du tort à des femmes et à des enfants, à des amis, dont j'ai serré les mains sachant bien que j'avais l'intention de les léser, à des créanciers qui ont eu confiance en moi, aux jeunes dupes sans cervelle qui ont pensé que c'était une belle chose de me choisir pour modèle. Car n'étais-je pas le dangereux Arthur Holroyd, l'incorrigible Arthur Holroyd, le méchant et irrésistible Arthur Holroyd, juste l'espèce d'homme que la jeunesse inexpérimentée est toujours prête à admirer et à imiter. Couché dans cette chambre, j'ai eu grandement le temps de considérer ma vie passée et de découvrir qu'elle n'avait été qu'une erreur. Le jeu a été presque un brillant jeu, mais quel cruel gaspillage de chandelles qui aurait pu éclairer de meilleures choses. Mais je n'ai pas le temps de faire de la morale. En récapitulant mes mauvaises actions, il y en a une que je puis expier en quelque mesure à mon lit de mort. Si mes crimes n'étaient pas si notoires, si j'avais quelque espoir de descendre dans ma tombe en odeur de sainteté, je pourrais mourir avec un sceau sur les lèvres. Car ce que j'ai à dire est une vile histoire que vous, Sir Gaspard, comme homme riche, devez mépriser. Mais je suis Arthur Holroyd, le mauvais sujet, et aucune nouvelle révélation de mes méfaits ne peut ajouter la moindre chose à ma mauvaise réputation. Lorsqu'une fois un homme a obtenu un aussi détestable renom que moi, il peut être pendu 12 fois, et il n'en sera pas pire pour cela. Une personne de cette maison m'a dit que vous connaissiez un certain M. Pauncefort, un voyageur africain, un excentrique. Oui, je le connais bien. Savez-vous où le trouver aujourd'hui et tout de suite? Malheureusement non. Il est parti d'ici en juillet, je crois, avec l'intention de retourner en Afrique. On m'a dit qu'il était possible qu'il fût resté en Angleterre et que votre fille, Mademoiselle Denison, pourrait peut-être jeter quelques lumières sur les lieux où il est. Ma fille? S'écria Sir Gaspard, comment peut-elle savoir quelque chose sur lui? N'avez-vous jamais eu aucune raison de suspecter qu'entre M. Pauncefort et Mademoiselle Denison, il pouvait y avoir quelque chose de plus qu'une amitié ordinaire? Les femmes sont de si bonnes observatrices les unes des autres. Une dame a insinué qu'il existait un attachement entre votre fille et le locataire de l'ermitage. La veuve, naturellement, pensa le baronnet. Quelle maligne créature sans les femmes! La veuve a besoin de marier ma fille pour avoir le chemin libre et poursuivre ses projets sur moi, et ma fille conserve une sereine apparence d'indifférence toute féminine pour mon ami, tandis que lui et elle se font la course sous mon nez même. Quel monde! Quel monde! Sir Gaspard eut le temps de faire ses réflexions pendant que Arthur Holroyd restait les yeux fermés en attendant qu'il eût la force de continuer ce qu'il avait à dire. Il avait parlé d'une voix très basse, mais même cet effort l'avait épuisé pour le moment. « Sir Gaspard, » dit-il en posant sa main sur celle du baronnet, « il faut que je voie cet homme, ce Pounceforth. Il faut que je le voie. Je l'ai outragé très profondément, plus délibérément que j'ai jamais outragé aucun autre, et je puis, en quelque mesure, annuler le mal que je lui ai fait. Si cela est vrai que votre fils sache où il se trouve, je vous supplie ardemment de le lui demander. » « Vous le lui demanderez vous-même, » répondit le baronnet, « elle ne peut rien vous refuser. » Il tira la sonnette à laquelle répondit son valet de chambre, qui avait aidé à soigner Holroyd et qui était un être des plus précieux dans une maladie, un homme dont les mouvements ressemblaient aux mouvements des fantômes. « Prévenez Mademoiselle Denison que M. Holroyd désire la voir, et que je la prie de venir près de M. Holroyd, » dit Sir Gaspard. Le domestique salua et partit. Cinq minutes après, Marcia était debout à quelques pas du lit sur lequel Holroyd était couché. Elle avait obéi à son appel sans hésitation. La sublimité de la mort couvrait de son manteau les méfaits de cet homme. Il n'y avait aucun pardon qu'il eût sollicité de Marcia qu'elle lui eût refusé. Quel espoir pourrait-il avoir de la miséricorde du Sauveur sans péché si nous, ses semblables misérables pécheurs, nous lui refusions notre pitié, pensait-elle, en s'empressant d'obéir au désir de son père. « Mademoiselle Denison, » dit Holroyd, « j'ai besoin de voir le gentleman que vous avez connu, vous et votre père, sous le nom de Pounceforth. S'il est en Angleterre, et si on peut me l'amener ici, assez tôt pour que je le voie avant de mourir, je mourrai plus tranquille, et il pourra vivre plus heureux après cette entrevue. Lui et moi avons été ennemis depuis plus de 15 ans. Mais quoiqu'il me regarde comme son plus grand ennemi, il ignore le plus grand mal que je lui ai fait. Peut-être la plus mauvaise action de toutes celles que j'ai commises. Une lâche perfidie, sans passion, qui a mis de l'argent dans ma bourse à ses dépens, et qui peut-être lui a coûté son bonheur. S'il est en Angleterre, Mademoiselle Denison, et si vous savez où on peut le trouver, par pitié pour lui, ne le cachez pas à un homme qui ne sera pas en vie pour en profiter demain. » Godfrey Pierrepoint est en Angleterre, répondit Marcia. Hein, vous connaissez donc son nom? Elle avait raison, murmura Holroyd. Il est en Angleterre. Il était ici, sur les terres de cette propriété jeudi soir. Il peut être à l'Ermitage ce soir. S'il est ici ce soir, je dirais que la Providence nous a réunis. Savez-vous que Godfrey Pierrepoint m'a poursuivi en Amérique pendant 2 ans, qu'il m'a pourchassé comme un animal sauvage et m'aurait tué, peut-être, si nous nous étions rencontrés, sans plus de remords qu'un chasseur tue sa proie, mais je lui ai échappé. Je suis revenu sur mes pas plusieurs fois, et je suis retourné à des villes que j'avais quittées, j'ai appris qu'il y était passé, et y avait pris des informations sur moi. Une espèce de fatalité semblait alors me garantir de lui. La même fatalité me ramène sur ses traces maintenant. » Pendant que Arthur Holroyd s'était exprimé ainsi, Sir Gaspard avait agité la sonnette et de nouveau le valet de chambre inappréciable avait répondu à son appel. Quelques mots murmuraient cet homme suffirent et en 10 minutes, il avait quitté lui-même l'abbaye pour aller à la recherche du locataire de l'ermitage. « Voulez-vous me laisser maintenant, Sir Gaspard ?» dit Holroyd. « Si j'ai quelque chance de voir Pierrepoint, il faut que je ménage mon souffle pour l'histoire que j'ai à lui raconter. » Ainsi, Sir Gaspard et sa fille quittèrent la chambre du malade, et Madame Browning et le docteur de la famille restèrent à leur poste. Marcia et son père se rendirent dans le salon jaune, qui avait un aspect sombre ce soir-là, en dépit du brillant ameublement et d'un feu ardent qui se réfléchissait sur les moulures blanches et or de la frise. Le baronnet soupira tout haut en approchant de lui une lampe à abat-jour et son Times. Marcia ne simula aucune occupation. Elle s'assit en regardant le feu avec des yeux tristes et rêveurs. Elle n'avait nulle espérance qu'il pût résulter aucun bien de l'entrevue entre Pierrepoint et le mourant, si ce n'est le pardon chrétien qu'un homme bon doit accorder à son ennemi expirant. « Je sais qu'il prendra pitié de lui, » pensait-elle, « quelque rancune qu'il puisse avoir conservée de ses torts, il l'oubliera en présence de la mort. » Elle s'assit pour écouter retentir les pas de Godfrey sur la terrasse, mais elle n'entendit nul autre bruit que les gémissements du vent d'automne. Le domestique revint au bout d'une heure et se rendit au salon pour dire le résultat de sa commission. Il n'avait pas trouvé Pauncefort à l'Ermitage. Il n'avait trouvé que la sourde Madame Thursgood et avait eu beaucoup de peine à obtenir le moindre renseignement de cette femme. Mais il était parfaitement certain que le locataire de Sir Gaspard avait couché à l'Ermitage les quatre dernières nuits et il avait passé les journées à errer dans la campagne environnante, ne revenant que longtemps après l'obscurité, et pénétrant chez lui avec une clé lorsque Madame Thursgood était plongée dans le sommeil sans reproche du vieil âge. Elle ne semblait pas savoir si vraisemblablement M. Pauncefort rentrerait ce soir ou non, monsieur, dit le valet de chambre. Je pense donc que la meilleure chose que nous puissions faire serait d'envoyer un groom à l'Ermitage, en lui recommandant d'attendre M. Pauncefort, et s'il revient, de l'amener à l'abbaye sans perdre de temps. La vieille femme est sourde et stupide, vous savez, monsieur, et on ne peut pas compter sur elle. Vous avez parfaitement raison, Hales, répondit Sir Gaspard. Et n'importe comment, envoyez-lui un groom. C'est pitoyable que Pauncefort ne puisse rester chez lui comme un chrétien. La soirée parut très longue. Le docteur et la garde veillaient dans la chambre du malade où leur patient restait très tranquille, attendant avec une étrange sérénité l'homme qu'il avait offensé. Dans toute la maison régnait au suprême degré ce solennel silence qui semble le frère jumeau de la mort. Dans l'une des chambres supérieures, Dorothée était plongée dans un assoupissement qui était le meilleur remède pour son cerveau fiévreux. Dans une autre chambre, Blanche Harding se promenait de long en large d'un pas furtif et incertain, et sa figure blême et anxieuse n'était plus ornée de roses simulées. Plus d'une fois, depuis la nuit du jeudi, elle avait demandé permission de voir Holroyd. C'était, disait-elle à Madame Browning, un ancien ami de son mari. Il s'était occupé de l'arrangement des affaires de ce dernier. Si sa vie était réellement en danger, il était tout à fait indispensable qu'elle le vît. La femme de charge avait confié le fait au médecin de la famille et ce gentleman l'avait communiqué à Holroyd. À moins que vous n'ayez de très puissantes raisons pour voir cette dame, je vous recommande très fortement de refuser cette entrevue, dit le docteur, tant il est important pour vous de rester calme. Cela était arrivé pendant qu'on avait encore un faible rayon d'espoir pour Holroyd. Je n'ai aucune raison pour souhaiter la voir, avait répondu le malade froidement. Dites, je vous prie à Madame Harding, qu'un homme qui a une balle dans les poumons n'est pas en état de recevoir de la société, et que je lui demande de me laisser en paix. Naturellement, vous lui ferez ma réponse poliment. Blanche Harding n'avait donc pas été admise dans la chambre du mourant. Elle lui envoyait trois petits billets qu'il avait lus très attentivement, et qu'il avait ensuite déchirés en fragments infiniment petits. Après le dernier de ces billets, il lui envoya un message lui disant qu'il y penserait. Et la veuve fut obligée de se contenter de cette vague réponse. Mais elle n'était pas satisfaite. Quelques craintes terribles semblaient l'oppresser, et elle passa plusieurs heures à errer dans sa spacieuse chambre de long en large sans se reposer. La porte était généralement verrouillée pour empêcher qu'on s'y introduisît. Elle avait toujours gardé sa chambre depuis l'événement de la nuit du jeudi, son affreuse névralgie étant une excuse très suffisante pour son isolement. Quelle qu'eût été l'histoire de cette femme, sa vie semblait être arrivée en ce moment à quelque nouvelle crise, tandis que Arthur Holroyd reposait mourant dans la pièce au-dessous de la sienne. Plus d'une fois, elle s'était élancée dans le corridor au milieu de la nuit pour écouter s'il n'entendait pas quelque bruit dans la chambre du malade, et dans chaque occasion, elle en avait entendu assez pour se convaincre de l'étroite surveillance avec laquelle on le gardait. « Il faut que je le voie, » se disait-elle en elle-même, « il faut que je le voie. A-t-il l'intention de me jouer quelque mauvais tour? Je voudrais le savoir. Cela serait bien de lui. Dans toutes les vieilles légendes de crimes et d'horreurs, il vient un moment où le diable abandonne ses compagnons, et Arthur m'a toujours représenté le diable. » Le mardi matin, on dit à Madame Harding qu'il n'y avait plus aucun espoir pour l'ancienne amie de son mari. Elle s'était levée pour déjeuner ce jour-là. Quel pitoyable prétexte qu'a-t-elle déjeuné? Elle était assise dans une bergère près du feu, enveloppée dans une ample robe de chambre en cachemire rouge. Mais elle se plaignait toujours de sa névralgie et sa figure était mortellement pâle, près de la riche couleur foncée de sa robe. « Alors il n'y a plus d'espoir, Madame Browning, » dit-elle. « Aucun, madame, si j'ai compris ce que notre docteur m'a dit. Le docteur de Londres est parti ce matin à 8 heures. Nous devons lui envoyer un télégramme à 4 heures s'il ne se produit pas de mieux. Même Sir Edmund m'a dit qu'il n'y avait aucune probabilité que nous envoyassions aucun message, et que le docteur de Londres le savait aussi bien que lui. « Il ne reviendra pas, » a continué M. Redmond. « Il sait que c'est fini. »« M. Oldroyd a-t-il demandé à voir quelqu'un aujourd'hui ?» dit Mme Harding. « Je ne sais pas, madame. Je suppose qu'il ne désire voir personne. On le lui aurait permis s'il l'avait demandé. Mais il est très faible. Il a eu le délire cette nuit et ne reconnaissait ni moi ni le docteur. Ah, madame, c'est bien triste de voir quelqu'un comme ça, de l'entendre parler de toutes sortes de villes, et chanter de petits fragments de chansons étrangères, et parler des langues étrangères quelquefois. Mais il a toute sa connaissance ce matin, et parle bien doucement à moi et à chacun. « Vous êtes une bonne créature, Madame Browning, » a-t-il dit, « et je vois que vous allez très bien ce matin. Quoique la nuit dernière, je vous ai prise pour le personnage qui était pape il y a 20 ans, lorsque j'étais comte du Saint-Empire romain, et je vous voyais assise dans une des salles du palais de... Ici, madame, j'oublie tout à fait le nom de la ville qu'il a citée, qui avait près de 7 pieds de haut, et vêtue de blanc de la tête aux pieds, comme une statue de marbre. Ah, quel magnifique personnage était ce pape, madame Browning, dit-il, et comme il détestait noblement les Français, et quel heureux temps ont été pour moi ces jours passés à Rome. Et il soupira, madame, comme si son cœur se brisait. Monsieur Sylbrook l'a déjà vu ce matin, et est encore avec lui, je suppose. « Ah, madame, quelle bonne et passante créature que ce M. Sylbrook, dans des moments comme ceux-ci. Il va et vient dans la chambre comme une ombre. Ne me prêchez pas, mon cher ami, » lui a dit M. Holroyd ce matin. « Mais asseyez-vous là et lisez-moi du Nouveau Testament. C'est le plus beau livre qui ait jamais été écrit. Mara le lisait lorsque Mademoiselle Cordell a frappé. Et je ne suppose pas que je sois un plus grand misérable que cet abject Mara. » Tel fut, avec beaucoup de fatigue entredite et une très mauvaise prononciation des noms, le récit que Mme Browning fit de son malade. Lorsqu'elle lui fait sa visite de politesse à Mme Harding, il se fait retirer pour prendre un peu de repos, pendant que la principale femme de chambre, qui était d'un âge raisonnable et très expérimenté, prenait sa place dans la chambre du malade. La veuve fixait le feu en pensant à ce qu'elle devait faire. Bien des femmes se sauveraient. « S'ils étaient dans ma position, pensa-t-elle. Mais je resterai ici jusqu'à ce qu'il soit mort. S'il garde mon secret fidèlement, sa mort me délivrera de mon esclavage. S'il me trahit, pourquoi même alors, quand il arriverait tout ce qui peut arriver de pire, m'enfuirais-je? Je ne crains pas que Sir Gaspard me dénonce, et je suppose que Godfrey Pierpoint est réellement parti pour l'Afrique. » Mais Mme Harding était prudente alors même qu'elle était le plus audacieuse. Elle consacra la plus grande partie de sa matinée à faire ses paquets. Elle arrangea ses parures et ses colifichets avec autant de soin et de propreté que si son esprit eût été libre d'inquiétude. Elle écrivit même les étiquettes pour ses bagages. Elle devait les envoyer au Pontechnicon pour y rester jusqu'à ce qu'elle les envoyât chercher. « Si cela tourne mal pour moi, c'est une conduite sage, » dit-elle, « car il peut être très important pour moi d'éviter la chance d'être suivi. » Je puis leur dire ici que je ne sais pas ce que je ferai pendant les quelques mois qui vont suivre. » L'esprit de la veuve parut un peu plus tranquille lorsqu'elle eut pris ses arrangements. Elle s'habilla soigneusement avec le costume qu'elle avait choisi pour son voyage, dans la prévision d'être forcée de quitter tout à coup l'abbaye. Ainsi préparée sur tous les points et à la hauteur de n'importe quel hasard, elle s'assit dans sa bergère pour attendre son sort. Le jour était noir et triste, et les quatre vents s'étaient entendus pour se donner rendez-vous dans les bois de Scarsdale. Les ormes et les peupliers gigantesques se penchaient, y allaient et venaient de tous les côtés d'une manière lugubre, comme s'ils eussent été agités eux-mêmes par un paroxysme de chagrin pour Holroyd. Ah, combien les gémissements du vent lorsqu'ils sont près d'une ancienne cheminée de pierre peuvent ressembler aux sanglots d'une voix humaine dans ses plus cruelles angoisses. La femme qui se faisait appeler Blanche Harding la prenait ce jour-là pour la première fois.